Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Historia. Historia c'est quoi ? Le journal par et pour les étudiants de Nancy. Une émission étudiante sur l'actu et la culture et bien plus encore. La première émission de l'année et quelle joie de vous retrouver. Donc on se retrouve aujourd'hui avec deux chroniqueurs. Donc, Ilana, bonjour. Oui, bonjour. Et Louis, comment tu vas ? Ça va super et toi ? Bah oui, super, super bien. Quels sont vos vœux pour l'année 2025 ? Meilleurs vœux ? Bah merci, à toi aussi. Merci meilleurs beaucoup. Vœux à tout le monde. Et moi, je me souhaite d'avoir mon année et de réussir mes concours de journalisme à la fin de l'année. Et bah on espère que la réussite sera bonne. Merci. Et Ilana, quels sont tes vœux pour cette nouvelle année 2025 ? Bah moi, c'est un petit peu la même chose, hein, avoir mon année et puis continuer à faire prospérer mon asso de cinéma. C'est un peu flippant dit comme ça, mais... La prospérité, c'est très important pour Ilana, c'est vrai. Allez, on démarre avec une musique de Avicii, la musique qui a bercé notre jeunesse, avec Wake Me Up, un peu de peps hein, pour cette émission. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up. Allez, Wake Me Up sur Radio Fadjet, une musique qui réveille nos sens, réveille notre âme, hein, n'est-ce pas, Louis, je te vois sourire. Ok, oui. Et Ilana ? Oui, bah oui, c'est vrai que ça rappelle des souvenirs en plus, donc c'est génial. Allez, on commence du coup avec la première chronique de Ilana qui va nous parler de l'importance du silence et du cinéma au théâtre. un élément clé qu'on peut pas louper, hein, n'est-ce pas ? On t'écoute, Ilana. Donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous invite à une réflexion sur un élément puissant dans le monde du cinéma et du théâtre, le silence. Dans notre société moderne, saturée de bruit et d'informations, le silence est souvent perçu comme un vide à combler. Pourtant, dans l'art dramatique, qu'il soit sur scène ou à l'écran, le silence n'est pas une absence, mais bien une présence. C'est un outil narratif émotionnel d'une puissance insoupçonnée. Pensez à ces moments suspendus où un regard, un geste, une respiration devient plus éloquent que mille mots. Le silence raconte l'indicible, il exprime l'inexprimable, il nous invite à aller au-delà des dialogues, à plonger dans les profondeurs de l'âme humaine. Dans le cinéma muet, des maîtres comme Charlie Chaplin ou Keaton ont élevé le silence au rang d'art. Mais même à l'ère du cinéma parlant, le silence reste un outil précieux. Prenons l'exemple de Jacques Tati dans ses films comme Mon oncle ou Playtime. Tati utilise le silence pour créer un univers comique unique, où le langage corporel et les bruits ambiants prennent le pas sur les dialogues. Au théâtre, le silence a toujours eu une place de choix. Samuel Beckett, dans ses pièces comme En attendant Godot, utilise le silence comme un personnage à part entière. Les pauses, les silences prolongés créent une tension palpable reflétant l'absurdité et le vide existentiel de la condition humaine. Dans le cinéma contemporain, des réalisateurs comme Wim Wenders ou Jim Jarmusch ont fait du silence une signature stylistique. Dans Paris, Texas de Wenders, les vastes paysages désertiques et les longs moments de silence nous plongent dans l'intériorité tourmentée du personnage principal. Mais pourquoi le silence est-il si puissant ? Peut-être parce qu'il nous oblige à être pleinement présents, à être attentifs. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés de stimuli sonores et visuels, le silence nous fait sortir de notre zone de confort, il nous pousse à décoder, à ressentir autrement. Le silence est aussi un espace de projection. Lorsqu'un acteur se tait, lorsqu'une scène se déroule sans dialogue, nous, spectateurs, sommes invités à remplir ce vide avec nos propres émotions, nos propres interprétations. C'est un moment de co-création entre l'artiste et le public. N'oublions pas non plus la dimension universelle du silence. Là où les mots peuvent créer des barrières linguistiques ou culturelles, le silence transcende ses frontières. Un regard silencieux, un geste muet peuvent être compris de tous partout dans le monde. Enfin, dans notre époque hyper connectée où le bruit constant est devenu la norme, l'utilisation du silence au cinéma et au théâtre ne serait-elle pas une forme de résistance, une invitation à ralentir, à contempler, à nous reconnecter avec nous-mêmes et avec les autres ? Alors, chers auditeurs, la prochaine fois que vous irez au cinéma ou au théâtre, je vous invite à être attentif au silence, écoutez-les, ils vous parleront peut-être plus fort que n'importe quel dialogue. Car comme le disait si bien le compositeur Claude Debussy, la musique c'est le silence entre les notes. C'était Ilana et à bientôt pour une nouvelle chronique cinéma. Eh ben, quelle belle chronique, la musique, c'est le silence entre les notes, c'est tout à fait bien dit. C'est assez paradoxal finalement, hein, parce que c'est vrai que le silence au théâtre marque le ton, ça marque l'intrigue de l'histoire. Ta musique de Nico Morano, c'est ça ? C'est ça. Blue Memory. Et voilà, donc c'était Blue Memories sur Radio Fadjet, une chanson choisie par Ilana. Donc un très bon choix et très bon goût musical. Donc voilà, donc on continue avec une chronique de Louis, la sensibilisation de l'écologie dans le monde du football. Donc Louis, c'est ton tour, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, donc ta chronique, on t'écoute. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'écologie et du sport dans le monde professionnel. C'est un sujet qui doit être de première importance dans le sport professionnel, qui a un grand impact sur la planète, dû aux longs déplacements qui se font le plus souvent en avion. Je vais vous donner l'exemple qui m'a poussé à faire cette chronique, récemment John Duran, ancien joueur d'Aston Villa, qui a quitté la première division anglaise de football pour rejoindre le championnat saoudien. Le problème, le Colombien de 21 ans va parcourir 1000 km en avion par jour entre son centre d'entraînement d'Al Nasser et sa résidence au Qatar. Ce choix peu responsable écologiquement est motivé par la confusion de la loi islamique. The Sun rappelle qu'elle n'encourage pas la cohabitation des couples non mariés. N'étant pas encore marié, le joueur et sa petite amie ne souhaitent pas prendre de risques. Afin de ne pas cibler une personne uniquement, je centrerai également mes propos sur les clubs professionnels qui ont une responsabilité encore plus importante. Plusieurs rapports, dont celui du World Rugby, font état de la situation critique dans le rugby, notamment depuis 2022 avec l'intégration de clubs sud-africains dans la Coupe d'Europe. Ce non-sens écologique débouche sur des déplacements sans fin. Le stade toulousain s'est déplacé à Durban ce 11 janvier. Pour y parvenir, les Français ont fait 22 000 km et 31 heures d'avion, concentrés sur une semaine. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres pour démontrer l'inconscience écologique qui entoure le monde professionnel. Cependant, certaines instances tentent de faire évoluer ça. Le label Fair Play for Planet, fondé en 2020, est un outil qui sert à accompagner des clubs ou des organismes sportifs dans l'identification et la mise en place d'actions éco-responsables. C'est assez complexe d'aborder ce sujet en quelques minutes. Je vous encourage donc à vous informer davantage sur ce sujet, qui est essentiel pour le futur de nos sports favoris. Je peux vous donner quelques pistes supplémentaires concernant des matchs de NBA délocalisés en France, les préparations hivernales et estivales dans des pays exotiques, la finale du trophée des champions entre le PSG et Monaco qui s'est jouée au Qatar. Merci. Eh ben merci à toi pour ta chronique. Hein. C'est vrai que c'est un sujet assez important qui fait des fois polémique. Hein. Exactement. Donc un sujet à l'actualité. Donc tu as choisi comme musique Saint-Motel, Might Sip, hein, en guise de chronique, hein, c'est ça? Exactement. On va l'écouter. We'll be right back. Décidément, oui, t'as le rythme dans la peau. Alors moi, je vais vous parler d'une chronique, hein, Un avenir radieux, un spectacle qui enflamme Pont-à-Mousson, qui a enflammé Pont-à-Mousson récemment. Alors si vous connaissez la ville de Pont-à-Mousson, vous la connaissez ou pas du tout ? Oui. Alors je la connais de nom, mais je n'y suis jamais allée. Les plaques d'égout. Oui, effectivement, c'est vrai que... Bah, je crois que c'est comme ça que j'ai eu connaissance de cette ville, d'ailleurs. C'est une très, très belle ville, hein, d'ailleurs. Donc Un avenir radieux a un titre plein de promesses, et croyez-moi, elles ont été tenues. D'abord, il faut souligner un événement particulier. Jérôme Anthony, la figure bien connue du paysage audiovisuel, a fait ses premiers pas sur la scène au théâtre. On le connaît pour son énergie débordante à la télé, notamment avec Cyril Lignac, Pousse en cuisine. Ça vous dit quelque chose ? Oui, oui, c'est l'émission qui est apparue pendant le confinement, il me semble. C'est ça, oui. Donc, une personne assez drôle, d'ailleurs. Mais là, il s'est frotté aux planches et franchement, il s'en est sorti avec audace. Le spectacle lui-même, immersif et interactif, embarque le public dans une mise en scène vivante où chacun avait presque l'impression de faire partie de l'histoire, entre dialogues percutants, moments d'émotion et clins d'œil bien placés. Un avenir radieux a su captiver du début à la fin. Et alors parlons de la fin en apothéose, l'équipe a littéralement enflammé la salle en offrant une reprise magistrale de L'été indien, de Joe Dassin. Donc L'été indien, on ira. Porté par la voix de Jérôme Anthony lui-même, un final musical qui a transformé le théâtre en véritable concert avec un public debout, chantant en chœur, une belle manière de clôturer la soirée avec une note festive et chaleureuse. Donc on continue en musique avec L'été indien, reprise de Jérôme Anthony sur Radio Fadjet. Restez branchés. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu ? Que fais-tu ? Est-ce que j'existe encore pour toi ? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la lune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passait sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. We'll be right back. J'ai l'impression de voyager là. Pas vous ? Effectivement. Sur la J'avais plage. Oublié qu'on était dans un studio à 8h30. Sur la plage avec les couchers de soleil, en train de regarder la mer en face. Hein, oui, ça donne envie. Ça donne envie et je savais pas qu'ils chantaient aussi bien. Ils chantent aussi pour un flirt. Pour un flirt avec moi. Il les a vraiment tous les temps. Du matin. Classique. Dans le studio de Fadjet. Voilà. Pour conclure cette émission, avant de se quitter, on va faire un petit tour de table. Quelle est votre meilleure anecdote de l'année 2024 ? Ou alors vos projets pour cette année, hein, 2025 ? Alors moi, comme projet, j'y réfléchis encore, ça dépendra de beaucoup de choses encore, mais je pense partir à l'étranger pour l'année prochaine, pour apprendre une langue, car c'est assez compliqué. Mais voilà, ce serait ça mon projet principal, avec les écoles de journalisme évidemment. Très intéressant, en plus, apprendre la culture d'une langue étrangère, c'est toujours enrichissant. Exactement. Et toi, Ilana, du coup ? Moi, je vais copier Louis. En fait, j'avais eu connaissance d'une structure, une asso, je ne sais plus exactement, qui s'appelle Christelle, pas comme le prénom. C'est Christel. Et en gros, c'est un truc qui te permet de partir à l'étranger pendant une durée, celle que tu veux, en fait, et qui te paye tout. Et du coup, c'est trop bien, et tu fais des missions, en fait. Donc par exemple, si tu veux faire la communication en Turquie, bah voilà, c'est possible. Du coup, j'aimerais bien faire ça cet été. C'est trop bien. Et du coup, ça c'est sur combien de temps ? Et bah justement, en fait, on peut choisir, ça peut être genre un mois, ça peut être 6 mois, ça peut être 12 mois même, je crois. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je sais que c'est assez flexible. Et bien des beaux projets, que des beaux projets pour toute l'équipe. Et on souhaite également un meilleur vœu à toute l'équipe d'Historia, hein. Vous mettez tard que jamais. Et mon projet, moi, bah mon projet, c'est de passer des concours, de réussir mon année et de m'épanouir davantage dans ce que je fais. Hein, c'est très important, hein, parce que je pense que l'épanouissement, c'est signe de réussite, hein, chez l'être humain. C'est la fin de cette première émission. Merci à tous d'avoir été là. Merci à vous, chers auditeurs. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission d'Historia. Et prenez soin de vous et à très bientôt. À bientôt. Enfin ça allait. Confiant t'as peur de rien avant de tomber. On verra bien demain, mais ça plus jamais. J'ai pas l'air de m'en faire, mais si vous saviez comment c'est dans ma tête, ça me fait briller. L'angoisse me fait la guerre et part en fumée. Jour après jour je m'habitue à mes ennemis qui me tuent. Et j'apprendrai toutes les vertus. Quand j'en attends trop, je suis déçu. Mais grâce à ça, moi j'évolue. Comment faire pour tuer mes démons? Comment manger? J'aime pas de gros mots radio, faut qu'on passe. Au lieu d'un nicta, non, je dirais grand bien leur face. Portefeuille achromate, ne voit que violet, vert, ice. J'suis dans la zone, rageux, me suis pas la trace. Comment faire pour tuer les haineux? Juste en parlant plus, faux rappeur, non. Pour moi, depuis que j'ai d'albums vendus, très sincèrement, si je m'en vais, je ne reviendrai plus. Ils ont exploré autre chose, me perdre dans le cosmos. Ils parlèrent dans mon dos, couvert de bêtes, mon cher italien. Dans leur derrière, j'ferai un don de quelques futurs homo sapiens. J'suis l'avatar du game et j'maîtrise les quatre éléments. Je rappe, je chante, je produis, j'écris pour les gens. Je sais comment faire pour tuer tes démons. Comment manger?